Oracle. Dieu a parlé dans le passé à travers les prophètes. Aujourd'hui encore, il continue à parler à travers ses serviteurs qui la oint. Écoutez les oracles du Seigneur. Le pasteur et les priorités, c'est le thème de l'enseignement que nous apporte Dr Paul Mbunga Mpendi de la mission Afrique pour Christ. Dieu bénisse votre écoute. Chers auditeurs et auditrices, nous vous saluons aujourd'hui au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons aujourd'hui encore notre série d'enseignements sur le pasteur et les difficultés dans sa famille. Et nous allons donc continuer ce que nous avions commencé dans les émissions passées. Nous avions parlé dans nos émissions passées des difficultés que le pasteur expérimente dans sa famille. Ces difficultés, nous avions dit qu'elles viennent surtout de trois sources, à savoir une mauvaise compréhension du ministère, quand le pasteur ne comprend pas trop bien son ministère et le prend comme une activité urgente de 24 heures sur 24, et il n'a pas le temps pour sa famille alors. Et nous avions aussi, dans cette sorte d'incompréhension, vu que souvent le pasteur a ses priorités d'une manière qui n'est pas correcte. Dieu est la priorité des priorités, bien sûr. Mais après Dieu, plusieurs pasteurs placent leur ministère avant leur famille et avant autre chose. Et avant leur famille surtout. Et cela crée beaucoup de problèmes parce que quand la famille est mise après le ministère, bien le pasteur sent qu'il doit sortir, il doit partir, évangéliser, conseiller, faire la cure d'âme. Et cela 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'il n'a pas le temps pour sa famille. Mais nous avions dit qu'un pasteur qui comprend bien ce que Dieu veut de lui va d'abord comprendre que Dieu veut qu'il soit, lui, d'abord, un bon mari et un bon père de famille avant qu'il ne soit un bon pasteur. L'apôtre Paul le dit d'ailleurs dans 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. En effet, il dit que l'évêque, c'est-à-dire l'ancien ou bien le pasteur, il faut qu'il soit irréprochable, mari d'une seule femme, qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants en soumission, avec une parfaite dignité. Car, il dit l'apôtre, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Mais comment en pratique l'évêque, l'ancien, le pasteur toujours absent, parti à la recherche des âmes à sauver, toujours occupé à diriger les réunions interminables et tardives de l'Église, comment aura-t-il le temps de bien éduquer ses enfants et de leur apprendre la soumission au Seigneur et la soumission les uns aux autres? Les pasteurs les plus occupés qui n'ont jamais le temps pour leur famille vivent donc en désobéissance vis-à-vis des recommandations de l'apôtre Paul. Alors nous avons dit que pour que le pasteur finalement commence à résoudre les problèmes de sa famille, il faut qu'il puisse changer ses priorités. Dieu reste la priorité des priorités, mais après Dieu doit venir sa famille. Et après sa famille, le ministère. Et cela est très important. Mais on va se dire, mais comment la famille doit prendre la priorité sur le ministère, vu que le ministère est tellement prenant. Donc nous disions que la famille doit donc être la priorité dans la vie du pasteur par rapport au ministère. Mais comment en pratique faire de la famille la priorité quand le travail pastoral est si prenant? Et quand nous sommes pratiquement les seuls qualifiés à le faire, pourquoi est-ce que les pasteurs sont-ils trop occupés? Certains vont dire, mais normalement, oui, ils sont trop occupés parce qu'il y a trop de travail. D'ailleurs, le Christ l'a dit, la moisson est prête, mais il y a peu d'ouvriers. Et peut-être que nous sommes les seuls qualifiés, et peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens sérieux dans notre Église. Ce n'est pas parce que les pasteurs sont les seuls formés dans leurs églises ou encore que parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qualifié qui fait que le pasteur soit le plus occupé. Ce n'est pas parce qu'il manque de collaborateurs qualifiés. Les pasteurs sont trop occupés parce que la plupart d'entre nous, nous souffrons de la maladie de Moïse. J'appelle cela maladie de Moïse parce que dans le livre d'Exode, il est dit que après la sortie du peuple de l'Égypte et pendant sa marche dans le désert, je vais donc citer Exode chapitre 18, versets 13 à 26. Le texte dit que Moïse siégea pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant Moïse depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, « Que fais-tu là pour ce peuple ? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se présente-t-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, on vient devant moi, je sers d'arbitre entre les deux parties et je fais connaître les prescriptions de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même ainsi que ce peuple qui est avec toi. Car la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas l'exécuter à toi seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Représente le peuple auprès de Dieu et porte toi-même les affaires devant Dieu. Explique-leur les prescriptions et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et l'œuvre qu'ils doivent faire. Discerne parmi tout le peuple des hommes de valeur, craignant Dieu, des hommes attachés à la vérité et qui haïssent le gain malhonnête. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toute affaire importante et qu'ils jugent eux-mêmes les affaires secondaires. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras tenir bon et tout ce peuple parviendra en paix à destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. J'ai dit Exode 18, 13 à 26. Malgré toute la puissance de Dieu qui s'est manifestée à travers lui, Moïse ne connaissait pas tout. Il souffrait de la maladie de « je suis le seul capable de » qui caractérise la plupart des dirigeants. Moïse s'épuisait et épuisait le peuple en voulant le juger à lui seul. Il a fallu le conseil de son beau-père Jéthro, un païen, et l'humilité de Moïse, qui accepte sa proposition de décentraliser sa responsabilité en la partageant avec des gens compétents et fiables choisis parmi le peuple. Alors, frères et sœurs, nous comprenons pourquoi est-ce que nous souffrons, pourquoi est-ce que nos églises ne progressent pas, pourquoi est-ce que nous nous tuons nous-mêmes. C'est parce que, comme je l'ai dit, nous souffrons de la maladie de Moïse. C'est-à-dire, nous pensons que Dieu n'a que nous. C'est-à-dire, à part nous, l'Église ne va pas marcher, le ministère ne va pas progresser, parce que c'est nous seuls qui sommes qualifiés, c'est nous seuls qui sommes puissants, c'est nous seulement qui savons parler. Vous savez, nous sommes les seuls à être capables de faire les miracles que Dieu fait, vous savez. Les autres, bon, ils sont quand même serviteurs, mais ils n'ont pas la puissance que nous avons, vous savez. Bon, on ne les dit pas comme ça, mais on vit de cette façon. Nous sommes les seuls à avoir les diplômes. Nous sommes les seuls à faire ceci et à faire cela. Alors, nous faisons le travail à nous seuls. Nous ramenons tout à nous. Les autres sont des spectateurs qui doivent être là pour voir que voilà, Monsieur le Tout-Puissant n'est pas là, donc rien ne peut être fait. Alors, nous nous épuisons nous-mêmes, nous dérangeons et nous détruisons le travail. Parce qu'en vérité, nous ne pouvons pas tout faire. Et le résultat, c'est que le travail n'est pas bien fait. Le peuple de Dieu souffre parce que tout le monde doit nous attendre. Nous sommes les serviteurs, les tout-puissants. Les serviteurs tout-puissants. Rien dans l'Église ne peut être fait sans nous. Et nous sommes tellement convaincus de notre importance. Et nous ne le disons pas, bien sûr, mais tout le monde le sait, que sans nous, rien ne peut marcher dans cette Église. Alors, il faut vraiment prier que nous soyons éternels. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver le jour où nous allons mourir, où nous n'allons plus être là? Mais il faut que l'Église ferme, parce que le serviteur le plus qualifié est parti. Pasteur, serviteur de Dieu, indispensable, je pense que c'est une erreur grave, c'est de l'orgueil, c'est même la méchanceté même de prendre toute une Église en otage parce que nous sommes les seuls à tout faire. Moïse a commencé comme ça. Il a fallu le conseil d'un païen pour lui montrer que ça ne va pas. Il faut qu'il change de comportement. Alors, pourquoi est-ce que les pasteurs sont trop occupés et n'ont pas le temps pour leur famille? C'est souvent et surtout parce qu'ils ne savent pas ou ne veulent pas partager leurs responsabilités avec les autres. N'y a-t-il pas de personnes formées et qualifiées comme nous qui puissent faire ou bien nous aider dans nos multiples responsabilités? S'il n'y a pas de gens formés comme nous, mais il faut les envoyer en formation. Il y a dans nos églises des paroissiens capables qui peuvent suivre la formation comme nous, qui peut-être sont même plus intelligents que nous, plus spirituels que nous. Nous pouvons les envoyer en formation pour qu'ils viennent nous aider. Est-ce qu'il n'y a pas de cadre dans nos églises? Ben, il faut que nous les formions. Ah! Mais la vérité est simple, chers frères pasteurs, chères sœurs servantes de Dieu. Nous sommes trop occupés parce que nous sommes souvent les seuls capables de faire le travail qui nous est confié. Nous sommes souvent les seuls capables parce que nous refusons que les autres aussi bénéficient de la formation que nous avons. Ou s'ils ont la même formation, nous ne voulons pas les mettre près de nous, hein, craignant qu'ils prennent notre place. Nous sommes trop occupés parce que nous refusons que l'Église ait d'autres personnes formées. Ah, ils viendront prendre notre place. Oh, j'aime être le seul. Ça, on ne le dit pas en public. On se le dit même à soi-même, dans son cœur, on se le dit. Il ne faut pas que les autres viennent. Alors, on ferme les portes. Les bourses d'études viennent, on les supprime. Ou on envoie seulement les gens de notre famille parce que quand eux ils vont venir, ils vont être de notre côté. Nous sommes trop occupés. Nous n'avons pas le temps pour nos familles parce que nous ne voulons pas former les gens. Parce que nous ne voulons pas former les cadres. Même nous-mêmes, quand nous sommes formés, nous devons former aussi les autres pour qu'ils puissent nous aider dans le travail. Le travail appartient au Seigneur, ce n'est pas notre ministère. Pourquoi est-ce que nous voulons tout ramener à nous ou au contraire aux membres de notre famille? Ce sont seulement nos enfants qui sont les pasteurs adjoints, pas les autres. Frères pasteurs, le Seigneur veut que nous ayons de bonnes familles. Et pour avoir une bonne famille, il faut ouvrir le cœur et les mains et permettre que Dieu forme les autres aussi. Pourquoi est-ce que les pasteurs sont trop occupés et n'ont pas le temps pour leur famille? C'est souvent et surtout parce qu'ils ne savent pas ou ne veulent pas partager leurs responsabilités avec les autres. N'y a-t-il pas des personnes formées et qualifiées comme nous qui puissent nous aider dans nos multiples responsabilités? Bon, s'il n'y en a pas, mais il faut les envoyer en formation, ces personnes qualifiées de notre, ou bien plutôt qui peuvent être qualifiées de nos paroisses. Il faut que nous les envoyons en formation afin qu'ils viennent nous alléger le travail. Manque-t-il des cadres dans nos églises et dans nos institutions? Alors formons-les, envoyons-les en formation. Ou au contraire, formons-les nous-mêmes, nous qui avons la formation. Mais la vérité est souvent simple. Nous sommes trop occupés parce que nous sommes souvent les seuls capables de faire le travail qui nous est confié. Nous sommes souvent les seuls capables parce que nous refusons que les autres aussi bénéficient de la formation que nous avons. Ou s'ils ont la même formation, nous ne voulons pas les mettre près de nous, craignant qu'ils prennent notre place. Alors, parce que nous voulons être le seul à tout avoir, Nous nous accaparons de tout le travail. Nous nous accaparons tout le travail. Et nous sommes par conséquent toujours absents de nos familles et trop occupés pour nous occuper de notre famille. Pourquoi sommes-nous toujours dehors, conduisant des campagnes d'évangélisation, assistant aux conférences, faisant des exposés? N'y a-t-il pas moyen qu'une autre personne soit désignée pour assister à la conférence internationale réunissant tous les hommes importants de l'Église, pendant que nous, nous nous reposerons et à la famille et serons à la maison en train de nous occuper de notre famille après une campagne d'évangélisation fantastique dans laquelle des milliers d'âmes ont été sauvées? Pourquoi devons-nous sauter dans le prochain avion juste après une telle campagne d'évangélisation qui a pris des semaines, sinon des mois, et nous a éloignés de notre famille? Pourquoi devons-nous juste après une telle campagne d'évangélisation ou une telle formation, pourquoi devons-nous sauter dans le prochain avion pour assister à une conférence internationale sur les responsabilités ou la responsabilité de l'Église vis-à-vis du déboisement de la forêt équatoriale? Pourquoi ne pas envoyer un autre membre de l'Église, peut-être un laïc qui a une formation en la matière? Pourquoi est-ce que nous seulement, nous le pasteur spirituel, pourquoi nous devons être celui qui doit assister à une telle conférence? La réponse est simple. Dans la plupart des cas, nous sommes les seuls à assister parce que nous refusons que les autres jouissent des privilèges qui accompagnent ce genre de responsabilités. Vous savez, voyage en avion, séjour en hôtel de luxe, indemnités et frais de mission. Mais les avions, les hôtels, les indemnités et frais de mission valent-ils mieux qu'un repos bien mérité en famille? Chers serviteurs et servantes trop occupés du Seigneur, il est temps pour nous, pour ceux qui sont désobéissants plutôt, pour nous, il est temps pour ceux qui obéissent et veulent jouir d'une vraie stabilité spirituelle et physique, d'ouvrir leur agenda et de commencer à transférer plusieurs engagements pris. Il faut les transférer aux collaborateurs pour exécution. Nous devons apprendre à alléger nos agendas. Il faut que les autres nous aident. Je ne dis pas « ils peuvent », il faut qu'ils nous aident. Nous ne sommes pas les seuls à être utilisés puissamment par le Seigneur. Dieu a des milliers de serviteurs et servantes qui peuvent le servir efficacement si nous cessons d'être des obstacles qui empêchent leur responsabilisation dans le ministère parce que nous voulons être les seuls à tout faire. Oui. Quand enfin nous parvenons à décentraliser nos responsabilités, à les partager avec nos collaborateurs, alors nous aurons le temps pour nous reposer et vivre avec notre famille. Mais la vie familiale pour le serviteur de Dieu commence par un temps de repos et d'échange avec sa femme. Oui, et cela ne peut se passer que quand nous apprenons à partager le travail, à partager les indemnités, à partager les frais d'émission, à permettre aussi que les autres aussi dorment dans ces hôtels de luxe que nous aimons seuls à occuper. Mais pourquoi nous tuer? Pourquoi sauter d'un avion à un autre? Pourquoi courir de droite à gauche parce que nous sommes les seuls à faire ceci quand Dieu a d'autres personnes qui peuvent faire cela aussi bien que nous, même parfois plus que nous? Chers pasteurs, permettons aux autres aussi de partager les privilèges du ministère. Oui, il y a 3 conférences qui se suivent et qui prennent 3 mois. Pourquoi pas envoyer un autre? Toi, tu vas, tu assistes à la première conférence, mais tu envoies un autre à une deuxième conférence et tu envoies une autre personne à la troisième conférence. Comme ça, toi, tu as le temps de rester et de revenir après la conférence, rester avec ta famille. L'Église ne va pas fermer ses portes parce que toi, tu ne vas pas assister à une telle conférence. Non. Partageons, décentralisons le travail. Oh, vous allez me dire, mais non. Mais lui, il parle seulement à la radio, il ne sait pas de quoi est-ce que il parle. Mais je sais de quoi est-ce que je parle. Moi aussi, je suis trop occupé. Il faut que moi, le premier, et toi qui m'écoutes, serviteur magnifique de Dieu, trop occupé pour être avec sa femme, il faut que nous tous, toi et moi, que nous puissions changer nos emplois de temps afin que nous ayons du temps pour notre famille, pour notre femme, pour nos enfants, pour notre église. Nous ne devons pas être partis tout le temps et que d'autres pasteurs viennent prêcher dans notre église quand nous nous vagabondons dans le monde, assistant dans des conférences parfois qui n'ont rien à voir avec notre ministère. Oh, il faut assister là où on parle du déboisement de l'Afrique, là où on parle, mais laissez que cela les autres assistent. Il y a même des pasteurs qui s'arrangent à trouver des conférences là où ils peuvent partir. Ils s'arrangent, ils ne veulent rien rater. Je ne suis pas contre les conférences, vous savez. Mais je suis contre les conférences quand ces conférences se suivent les unes après les autres, prennent tout le temps et le pasteur n'a pas le temps pour sa famille. Ça, c'est contre la volonté de Dieu. L'apôtre Paul dit que celui qui ne sait pas diriger sa propre famille, comment dirigera-t-il l'Église de Dieu ? Cher pasteur, il est de notre devoir, il est obligatoire que nous puissions trouver du temps pour notre famille, mais pour nous-mêmes aussi, pour que nous puissions nous reposer. Nous sommes trop occupés. Un corps qui ne se repose pas se détruit, se meurt, se tue. Frère pasteur, je sais que, en tout cas, la plupart sont en train de sourire pour dire « Ah, il ne sait pas c'est que ma vie, à quoi ma vie ressemble, hein, sans moi, hein, vraiment, comment on va continuer ?» L'Église n'a pas commencé avec toi. L'Église continuera aussi sans toi. Si tu ne sais pas te reposer et si tu ne sais pas partager tes responsabilités avec les autres, que le Seigneur te bénisse. Dieu est toujours, bien sûr, la priorité des priorités, mais jamais le ministère ne doit avoir la priorité sur la famille. Il y a d'abord Dieu, il y a la famille et ensuite il y a le ministère. Et ça, c'est très important. Plusieurs vont dire, mais ce n'est pas vrai, le ministère c'est une vocation, Dieu nous a appelés à le servir à plein temps. Mais bien sûr, il nous a appelés à le servir à plein temps en tant qu'homme. Marié, bien sûr, si on n'est pas marié, on n'a pas besoin de suivre tout ce que je suis en train de dire, parce que, bien sûr, on peut toujours suivre, parce que le repos, c'est pour tout le monde. Mais en tout cas, les pasteurs mariés doivent mettre leur vie de famille avant, hein, leur ministère. Cela est très, très important, parce que s'ils ne font pas cela, ils vont détruire leur propre ministère et leur vie de famille, bien sûr. Alors, nous disions que, mais pourquoi est-ce que les pasteurs, en vérité, sont trop occupés et n'ont pas de temps pour leur famille? Nous avions dit que c'est parce que le pasteur, la plupart, accaparent tout le travail. Ils ne veulent pas partager, ils ne veulent pas décentraliser, ils veulent tout faire. C'est eux qui surveillent tout. Alors, rien ne peut se faire sans eux, alors ils doivent être toujours dehors pour surveiller tout le monde, pour tout faire. Mais ça ne va pas. Le travail doit être partagé. C'est le travail de Dieu. Ce n'est pas le travail d'un individu. Hein? Il faut que le pasteur se discipline pour décentraliser les responsabilités. Et nous avions indiqué que ceux qui disent que bon, ils n'ont pas, c'est pas possible parce qu'ils sont les seuls à être formés. Ben, si tel est le cas, il faut envoyer les autres en formation. Il ne faut pas seulement être le seul à être formé dans l'Église pour dire que voilà, je suis le seul et en être fier. C'est une honte d'ailleurs d'être le seul. Et si tu meurs, si tu mourais ou encore si tu n'étais plus là, qu'est-ce qui va se passer de l'Église? C'est une irresponsabilité d'être le seul formé et de rester le seul formé. Ce n'est pas seulement une irresponsabilité, c'est un péché grave. S'il y a eu de l'argent pour te former, toi, serviteur magnifique, il faut aussi qu'il y ait de l'argent pour former les autres. C'est méchant d'être le seul. Tu te tues toi seul. Hein? Tu n'as pas le temps pour ta famille. Tu détruis ta famille. Il faut permettre que le Seigneur utilise les autres. Si toi, tu ne veux pas que le Seigneur utilise les autres, le Seigneur va t'enlever et susciter d'autres serviteurs qui seront peut-être plus obéissants que toi. Donc, n'entrons pas d'ailleurs dans toutes ces choses des blâmes. Hein? Moi, je serai d'ailleurs le premier à être blâmé parce que moi-même, je suis tellement occupé. Mais nous devons tous, moi le premier, apprendre à donner du temps à notre famille. Et le seul moyen, c'est d'apprendre à partager nos responsabilités. Donc je disais, ou encore c'est le temps de dire, chers serviteurs et chères servantes trop occupées du Seigneur, il est temps pour ceux qui sont obéissants et veulent jouir d'une vraie stabilité spirituelle et physique, d'ouvrir leurs agendas et de commencer à transférer plusieurs engagements pris aux collaborateurs pour exécution. Nous ne sommes pas les seuls à être utilisés efficacement par le Seigneur. Dieu a des milliers de serviteurs et servantes qui peuvent le servir efficacement si nous cessons d'être des obstacles qui empêchent leur responsabilisation dans le ministère parce que nous voulons à nous seuls tout faire. Quand enfin nous parvenons à décentraliser nos responsabilités, à les partager avec nos collaborateurs, alors nous avons le temps pour nous reposer et vivre avec notre famille. Mais la vie familiale pour le serviteur de Dieu commence par un temps de repos et d'échange avec sa femme. Dans les priorités de la famille, la femme vient avant les enfants. Et les enfants viennent avant les autres parents et les parents viennent avant les amis. Le pasteur qui veut vivre une bonne vie de famille doit apprendre à passer beaucoup de temps avec sa femme. Ce temps précieux vient souvent le soir, quand tous les enfants sont au lit et les parents restent seuls à parler de tout et de rien. L'intimité du couple s'approfondit quand l'époux et l'épouse parlent de tout et de rien. Parler de tout et de rien signifie être en présence de l'autre, pas trop fatigué, mais bien soi-même, essayant de jouir de la communion d'esprit et de corps, don de Dieu accordé au couple marié. Les femmes qui savent que leur mari organise leur temps pour être là avec elles aux heures favorables de la fin de la journée, se développent émotionnellement et acquièrent un équilibre remarquable. C'est pendant ces heures de dialogue ouvert que le couple partage ses préoccupations, ses espérances, ses anxiétés et les présente tous à Dieu dans la prière. Mais la femme du pasteur puissant, toujours occupée, toujours en voyage, elle dort seule. Elle porte seule ses fardeaux. Elle fait semblant d'être heureuse quand revient son mari pour ne pas l'inquiéter, lui, ce bon mari qui a le fardeau des âmes précieuses. Cette femme ne manque pas de développer la dépression, de devenir amère et de devenir un obstacle au ministère de son mari. Le pasteur doit aussi apprendre à avoir du temps pour ses enfants. Donc, nous avions dit avant tout la femme, dans la famille. La femme, on a épousé la femme avant d'avoir des enfants. Les enfants sont venus après. Il faut commencer à avoir du temps pour sa femme. C'est très important. Du temps pour sa femme. Pour l'écouter, pour parler avec elle, pour prier avec elle, pour la sécuriser. C'est très important. Les femmes de pasteurs sont trop seules. Quand bien même le monsieur ne voyage pas, il est enfermé dans son bureau. Ou s'il n'est pas enfermé dans son bureau, il est dans la chambre en train de prier. Et quand l'homme le plus spirituel prie, personne n'a le droit d'entrer dans la chambre. Mais pasteur, essayons d'être humains. Nous sommes humains, nous nous trompons nous-mêmes en pensant que nous sommes des supermen ou bien des anges. Nous sommes que des hommes. Quand nous travaillons sans relâche, nous nous tuons nous-mêmes. Notre femme a besoin de nous. Nous devons être là pour elle. Nous devons être là pour l'aider. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut abandonner le ministère pour notre femme ou nos enfants. Non. Mais nous devons équilibrer les choses de manière à ce que nous ayons le temps pour notre famille. Et premièrement, pour notre femme. Parce que c'est vrai, un pasteur qui a une bonne vie de famille a aussi un bon ministère. La plupart du temps, quand vous entendez que des pasteurs tombent dans des péchés sexuels, quand vous entendez que des pasteurs volent l'argent, tout ça, c'est souvent parce que ces gens n'ont jamais le temps pour leur femme ou leur famille. Ils sont toujours là en train de vagabonder partout dans le monde. Non pas à annoncer la parole, mais à faire autre chose. Cher pasteur, si nous-mêmes qui avions épousé nos femmes, nous n'avons pas le temps pour elles, qui va avoir le temps pour nos femmes? Nous voulons que nos femmes puissent aller chercher d'autres hommes ou quoi? Dieu nous a donné ces femmes pour que nous puissions nous les entretenir, prendre soin d'elles. Et cela est très important. Les gens vont dire, mais ces pasteurs, ils parlent de quoi? Mais je parle de la vérité. Dieu nous a confié nos femmes pour que nous puissions être là pour elles, leur permettre de croître aussi bien spirituellement qu'émotionnellement. L'absence répétée, prolongée du serviteur de Dieu nuit au développement spirituel, moral, psychologique, complet de sa femme. Une femme ne peut pas dormir seule pendant des mois et des années parce que son mari est parti chercher à sauver les âmes du monde entier. Alors, il n'avait qu'à ne pas se marier, celui-là, qui ne comprend pas. C'est un péché grave d'être marié et d'abandonner sa famille pour aller s'occuper des affaires de Dieu. C'est de l'irresponsabilité. Cher pasteur, toi qui m'écoutes, si tu es en campagne d'évangélisation depuis 6 mois, arrête-toi, rentre à la maison. Si Dieu t'a dit de partir, ça c'est pas Dieu. Dieu ne peut pas te demander de partir pour des mois et des années sans que tu ne puisses t'occuper de ta famille. Car la Bible ne se contredit pas. Il faut que celui qui veut être un ancien ait une bonne famille. Car celui qui ne sait pas diriger sa propre maison, comment va-t-il diriger l'église de Dieu, dit l'apôtre Paul. Oui, tu ne peux pas diriger l'église si tu ne sais pas diriger ta propre maison. Et tu ne peux pas diriger ta propre maison si tu n'es jamais là. Alors, quand tu es là, quand tu te décides enfin de rentrer, il faut alors que tu te consacres à donner du temps. D'abord, j'insiste, à ta femme. C'est elle, la femme de ta jeunesse. C'est elle, il faut toujours travailler afin qu'elle soit heureuse. Et ça, c'est très important. Quand ta femme est heureuse, toi, tu es heureux, ton travail aussi va être bien fait. Et cela est très important. Mais une femme qui n'est pas heureuse, qui est fâchée, qui t'ennuie à la maison, bien, quand tu es déjà fâchée, je ne vois pas comment tu vas bien prêcher, comment tu vas bien prier, comment tu vas bien faire tes recherches, comment tu vas bien évangéliser. Et tout cela commence quand le pasteur apprend à revenir chez lui, à se reposer lui-même et à s'occuper de sa femme et de ses enfants. Moi le premier, toi qui m'écoutes aujourd'hui, arrange ton emploi du temps pour que tu te reposes et que tu aies le temps de t'occuper de ta femme et de tes enfants. Et quand tu le fais, tout ton travail sera béni par le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, nous tous, afin que nous devenions des serviteurs efficaces et obéissants. Amen. Amen. Chers auditeurs et auditrices, nous vous saluons dans le nom du Seigneur et nous continuons notre série d'enseignements sur le pasteur et sa vie familiale. Et les fois passées, nous avions discuté, de priorité dans la vie du pasteur, au lieu que le ministère ait priorité sur la famille, nous avions dit que la famille doit avoir priorité sur le ministère. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il faut, pour qu'on choisisse un ancien ou un pasteur, il faut que celui-là ait une bonne vie de famille. Car celui qui ne sait pas diriger sa propre maison ne pourra pas aussi diriger l'église. Et nous ne pouvons pas diriger l'église si nous ne savons pas diriger notre famille. Et nous ne pouvons pas diriger notre famille si nous sommes toujours absents. Et nous avions dit que nous sommes souvent absents parce que non pas parce qu'il y a trop de travail. Il y a certainement trop de travail. Mais nous ne savons pas décentraliser, nous ne savons pas responsabiliser les autres. Nous devons partager donc nos responsabilités pour que les autres aussi les portent avec nous. Comme Moïse avait fait, il avait choisi des gens qui étaient responsables des 1000, responsables des 100, responsables des 10 et tout cela. Donc le pasteur qui parvient à responsabiliser les autres, à former les autres, à envoyer les autres en formation, c'est un pasteur qui cherche donc à élaguer ou encore à avoir assez de temps pour lui et pour sa famille, en responsabilisant les autres. Alors, quand enfin, nous, pasteurs, nous parvenons à décentraliser nos responsabilités, à les partager avec nos collaborateurs, alors nous avons le temps pour nous reposer et vivre avec notre famille. La fois passée, j'ai dit que, mais la vie familiale pour le serviteur de Dieu commence par un temps de repos et d'échange avec sa femme. Je disais donc, dans les priorités de la famille, la femme vient avant les enfants, et les enfants viennent avant les autres parents, et les parents viennent avant les amis. Je disais donc que le pasteur qui veut vivre une bonne vie de famille doit apprendre à passer beaucoup de temps avec sa femme. Ce temps précieux vient souvent le soir, quand tous les enfants sont au lit et les parents restent seuls à parler de tout et de rien. L'intimité du couple s'approfondit quand l'époux et l'épouse parlent de tout et de rien. Parler de tout et de rien signifie être en présence de l'autre, pas trop fatigué, mais bien soi-même essayant de jouir de la communion d'esprit et de corps. C'est un don que Dieu a accordé au couple marié. Les femmes qui savent que leur mari organise leur temps pour être là avec elles aux heures favorables de la fin de la journée, se développent émotionnellement et acquièrent un équilibre remarquable. C'est pendant ces heures de dialogue ouvert que le couple partage ses préoccupations, ses espérances, ses anxiétés et les présente à Dieu dans la prière. Mais la femme du pasteur puissant, trop occupée, toujours en voyage, elle dort seule, elle porte seule ses fardeaux. Elle fait semblant d'être heureuse quand revient son mari pour ne pas l'inquiéter. Lui, ce bon mari qui a le fardeau précieux des âmes. Cette femme ne manque pas de développer des dépressions, de devenir amère, de devenir un obstacle au ministère de son mari, nous avions dit la fois passée. Mais le pasteur doit aussi apprendre à avoir du temps pour ses enfants. Avoir le temps pour les enfants ne signifie pas les faire sortir rapidement pour une marche ou un tour en voiture. Avoir du temps pour ses enfants signifie s'obliger à fonctionner comme un père normal fonctionne pour ses enfants. Oui, le père doit aller au travail. Les enfants aussi vont à l'école. Mais à midi ou le soir, toute la famille est ensemble à table ou au salon, chacun faisant ce qui lui importe. Quelques-uns regardant la télé, d'autres lisant ou jouant ensemble. C'est pendant ces heures de famille que les parents parviennent à observer le développement de chaque membre ou de chacun de leurs enfants. C'est pendant ces heures que les parents trouvent en leurs enfants des comportements à encourager ou au contraire des comportements à décourager. C'est pendant ces heures que la présence sécurisante du père façonne la personnalité de chaque enfant. C'est pendant ces heures que papa et maman se transforment en instituteurs et institutrices et aident les enfants à faire leurs devoirs scolaires. Quand enfin vient le temps d'aller au lit, les enfants qui ont bénéficié de la présence bienfaisante des deux parents vont au lit sous la couverture de la prière parentale. Ce sont ces enfants couverts par l'amour et les prières de leurs parents qui aiment le Christ et aiment l'Église, car en leurs parents aimants et attentionnés, les enfants voient le Christ aimant et sacrifié. Toute cette vie de bonheur familial est impossible si le pasteur surchargé ne sait pas partager ses responsabilités avec ses collaborateurs. L'idéal recherché dans la promotion de la vie familiale du pasteur n'est pas sa présence ne se passe pas parce que le pasteur doit être là 24 heures sur 24. Non, nous ne sommes pas en train de dire que le bon pasteur est celui qui abandonne l'Église et se consacre à sa famille complètement. Non. D'ailleurs, il est ahérent que le père de la famille s'absente de temps en temps. Ses absences ponctuelles rendent manifeste sa personne et rôle de chef de famille bien-aimé. En effet, il est impossible qu'un pasteur vraiment efficace soit à la maison chaque jour de l'année. Il est de la nature de son travail qu'il s'absente quelquefois pour des raisons liées au ministère. Le but de l'enseignement présent n'est pas d'interdire les sorties pastorales. Le but est de décourager les sorties excessives qui mettent en danger l'équilibre de la vie familiale. Attention, nous ne sommes pas en train de dire aux femmes de pasteurs et aux enfants de pasteurs d'enfermer leur mari à la maison parce que le pasteur Paul a dit que le mari doit rester à la maison. Ça, c'est faux. Un mari qui reste à la maison, qui ne sort jamais, c'est un fainéant. L'homme doit aller au travail, le pasteur doit faire son travail. Mais attention, il doit faire son travail sans que son travail ne puisse devenir plus important que sa famille. Le pasteur doit aller au travail, le pasteur doit aller au bureau, le pasteur doit faire des campagnes d'évangélisation, le pasteur doit faire tout ce que le pasteur a à faire. Mais attention, toujours le pasteur doit avoir le temps pour sa famille, pour sa femme et pour ses enfants. Il faut qu'il rentre à la maison à temps pour qu'il mange avec sa famille. Si, bon, en Afrique, souvent, les gens ne mangent pas ensemble. Le père, lui, il a sa petite boule là-haut sur la table, et puis la maman est dans la cuisine et tout cela. Bon, on n'est pas là en train de forcer les gens à vivre à l'occidental. Mais en tout cas, qu'on mange, je ne sais de quelle manière, il faut que la famille ait le temps d'être ensemble. Cela ne signifie pas qu'on va commencer à rester là, à jouer ensemble. Le papa est là, les enfants savent que papa est là et que papa est disponible. Ça, c'est très important. Et pour cela, on ne peut pas utiliser l'église comme une excuse pour ne pas le faire. Oui, il y aura des campagnes d'évangélisation, il y aura des veillées, des prières, il y aura ceci et cela. Mais on va toujours tout faire. Campagne ou pas, évangélisation ou pas, conférence ou pas, il faut que le pasteur rentre à la maison à temps. Il faut que les enfants voient leur père avant d'aller au lit. Il faut que la femme voie son mari. Il faut que la femme parle avec son mari. Il faut que les enfants parlent avec leurs parents. Il faut que le pasteur aide les enfants à faire leurs devoirs. Ça dit, oh, mais ce n'est pas possible. Moi, je suis le pasteur le plus important de la ville quand même. J'ai assez d'argent. Je vais embaucher un maître. Mais le maître n'est pas le père des enfants. Si toi, tu n'es peut-être pas trop intelligent pour faire l'algèbre de tes enfants, embauche quelqu'un. Mais toi, tu dois vérifier si les devoirs ont été bien faits. Cher pasteur, Dieu nous a appelés comme mariés. Hein? S'il y a des pasteurs célibataires, bon là, qu'ils se débrouillent. Mais je parle des pasteurs mariés. Il faut que nous puissions donner du temps à notre famille. Cela est très important. D'ailleurs, ça nous aide à voir le développement de nos enfants. Oh, bien sûr. Nous devons sortir de temps en temps. Nous devons évangéliser. Mais quand nous faisons notre travail d'évangélisation, nous devons toujours faire cela en tenant en compte notre famille. En prenant en compte plutôt notre famille. Est-ce que l'évangélisation va s'étaler sur un mois? Ah non, ça c'est trop. Il faut faire de manière que pendant ce temps, il faut que tu reviennes passer une ou deux semaines à la maison. Mais il faut toujours avoir des évangélistes assistants. Il faut que les autres aussi prêchent. Dieu aussi a d'autres serviteurs à part toi. Tu penses que seulement c'est toi seul qui peux sauver toutes les âmes? Il faut aussi que d'autres personnes prêchent pendant que toi, tu te reposes. Mais bien sûr, on sait que des grands miracles se font par tes mains, bien sûr. Alors, à toi de prêcher, mais prêche de manière à ce que tu ne t'épuises pas toi-même et que tu ne puisses pas aussi épuiser ta famille et ta femme et tes enfants. Voilà donc, cher pasteur, ce que Dieu veut que nous puissions faire. Nous devons avoir du temps pour notre femme d'abord, pour nos enfants ensuite et pour la famille tout entière. Et cela signifie que nous passons du temps, nous sommes là à jouer avec nos enfants, à sortir avec nos enfants. Vous savez, tout le monde dit « les enfants des pasteurs sont mal éduqués ». Mais ils sont mal éduqués parce que les pasteurs n'ont pas le temps pour eux, n'ont pas du temps pour leurs enfants. Il faut que le pasteur soit là, il faut voir. Comment est-ce que les enfants se développent? Ça, c'est très important, comme je l'ai dit. Parfois, le pasteur est là, il voit bien que ses enfants font ce qui n'est pas bien, mais il ne dit rien. Non, nous sommes là pour les éduquer. Et la maman a beaucoup plus de force quand le papa est là. Cher pasteur, cher serviteur de Dieu, cher professeur de théologie, chers évangélistes, je ne sais pas, itinérants ou quoi, Dieu nous appelle tous à travailler pour lui avec tout le zèle possible. mais en même temps, il nous demande d'avoir le bon sens. Si nous sommes mariés, nous devons tenir compte de notre vie familiale dans notre ministère. Faisons nos campagnes d'évangélisation, faisons nos conférences, voyageons comme nous voulons, mais toujours arrangeons notre temps pour que nous ne puissions pas passer trop de temps dehors. Il ne faut pas qu'on reste pendant des mois. Non, non, non, non. Il ne faut pas qu'on reste pendant des années. Jamais. Il faut qu'on sorte pendant des jours, des semaines. Quand ça commence à être 2-3 semaines, il faut revenir. Parce que les enfants ont besoin de leurs parents. Bon, on va peut-être me dire, mais tiens, moi je suis déjà assez âgé, ma femme est âgée, les enfants sont tous partis, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut amener ta femme avec toi. Si tu veux partir pour un mois ou des années et que tu n'as pas peur des jeunes enfants, vous n'avez plus de jeunes enfants à la maison, partez vous deux. Comme ça, vous pouvez travailler tranquillement sans que l'autre ne soit là en train de dormir à seul et à s'imaginer tout un tas de choses. Voilà un peu ce que nous pouvons dire pour aujourd'hui. Nous allons continuer aussi les fois prochaines à parler du changement d'attitude et d'attente du pasteur vis-à-vis de sa famille. Que le Seigneur nous bénisse. Vous venez de suivre Dr Paul Mbunga Mpendi de la Mission Afrique pour Christ qui nous entretenait sur le thème suivant, le pasteur et les priorités. La Mission Afrique pour Christ Côte d'Ivoire est située à Cocody, au centre de publication évangélique CPE, Cocody, Cité des Arts, premier étage, porte 13, non loin de la radio Fréquence Vie. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez appeler au 53 71 71 81, 53 71 71 81, 49 40 64 46, 49 40 64 46, ou écrire à l'adresse électronique suivante Mission Afrique pour Christ en un mot @gmail.com Mission Afrique pour Christ @gmail.com. C'était Oracle, une émission conçue et réalisée par la radio Fréquence Vie. Tous les pasteurs qui veulent intervenir à l'émission Oracle peuvent contacter la radio Fréquence Vie. Que Dieu vous bénisse.